Bonsoir, comme tous les dimanches, c'est Lost in Space sur Radioactive, un Lost in Space un peu spécial ce soir car nous allons revenir sur les origines de la musique dite rock alternative. On écoute pas mal de nouveautés, beaucoup de choses qui viennent de l'époque punk, mais en fait tout a commencé bien avant. On avait commencé précédemment à parcourir cette thématique avec notre ami Dominique, et on va y revenir un peu ce soir. Et à tout seigneur, tout honneur, on commence avec le Velvet Underground. Alors, pour les titres, c'est comme d'habitude, vous regardez sur le site de la radio, et c'est parti pour 3 heures. Standing on the corner, suitcase in my hand, Jackson's corset, Jane is in her vest, and me, I'm in a rock and roll band. Huh. Riding a Studs Bearcat gym. You know, those were different times. All the poets, they studied rules of verse, and those ladies, they rolled their eyes. CJ, oh, CJ, oh, CJ. I tell you something, Jack, he is a banker. Save their monies, and when they come home from work, ooh, sitting down by the fire, the radio does play the classical music, their jam, the march of the winter soldiers. All you protesters, you can hear Jack say, get ready. Watch me now. And there's even some evil mothers. Well, they're gonna tell you that everything is just dirt. You know that women never really faint, and that villains always blink their eyes. Ooh. And that, you know, children are the only ones who blush, and that life is just to die. See you. En attendant, j'ai plus de pachon. Je me suis fait prêter un pachon pour liquider des ennuyeux, pas mieux. Vous les faites asseoir, vous leur prenez leur tension, comme ils bouffent trop, boivent trop, fument trop, c'est rare qu'ils se tapent pas leurs 22, 23 maxima. La vie pour eux, c'est un pneu. Que de leur maxima qu'ils ont peur. L'éclatement, la mort, 25. Là, ils s'arrêtent d'être loustiques, sceptiques. Vous leur annoncez leur 23, vous les voyez plus. Ce regard qu'ils vous jettent en partant, la haine, le sadique assassin que vous êtes. Au revoir, au revoir. Bon, moi toujours, avec mon passion, je prends soin des amis. Ils venaient pour se marrer de ma misère. 22, 23, je les revois plus. Mais tout résumé, sans broderie, je voudrais bien ne plus pratiquer. Cependant, durer je dois, diabolicum. Jusqu'à la retraite, enfin peut-être, pas peut-être. Les économies, en tout, tout de suite et surtout. D'abord le chauffage, jamais plus de 5 degrés tout l'hiver dernier. Nous sommes certes très habitués, entraînés je veux. L'entraînement nordique, nous avons tenu là-haut pendant 4 hivers, presque 5, par 25 en dessous, dans une sorte de décombre d'étable, sans feu absolument, où les cochons mourraient de froid. Je dis, or donc, entraînés nous sommes, tout le chaume s'envolait. La neige, le vent dansait là-dedans. 5 ans, 5 mois à la glace. Lily, malade opérée, et n'allez pas croire que cette glacière était gratuite. Pas du tout. Confondez rien. J'ai tout payé. Les notes sont là et signées par mon avocat, certifiées par le consulat, ce qui vous explique que je suis si raide. Pas seulement du fait des pirates de la butte Montmartre, les pirates de Baltique aussi. Les pirates de la butte Montmartre voulaient me saigner que mes tripes dégoulinent la rue Lepic. Les pirates baltiques, eux, voulaient m'avoir au scorbut. Que je laisse mes os en leur prison la venstre. C'était presque. 2 ans en fosse, 3 mètres sur 3. Ils ont alors pensé au froid, au tourbillon du Grand Belt. On a tenu 5 ans et payé. En payant, j'insiste. Vous pensez mes économies, tous mes droits d'auteur, partis petits au tourbillon. Plus les saisies du tribunal, la rigolade que ce fut. Oh, j'avais un petit peu prévu une petite lueur. Mon complet, l'unique, je le garde, est de l'année 34. Mon pressentiment. Je suis pas le genre Poujade, je découvre pas les catastrophes 20 ans après que tout est fini, Razibus, momie. Je vous raconte pour la rigolade cette prémonition 34. Que nous allions vers des temps qui seraient durs pour la coquetterie. J'avais un tailleur avenue de l'Opéra. Faites-moi un complet, attention, spécial sérieux, point carré. Super gabardine, le genre, point carré. Take me out. I haven't got one anymore. Take me out tonight, because I want to see people and I want to see life. Driving in your car, oh please don't drop me home, because it's not my home, it's their home, and I'm welcome no more. And if a double-decker bus crashes into us, to die by your side is such a heavenly way to die. And if a ten-ton truck kills the a strange fear gripped me and I just couldn't ask. Take me out tonight. Oh, take me anywhere, don't care, don't care, don't care. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one. You know she don't believe what she heard at all. could just go out and dance to the rock and roll station. It was all right. It was all right. Hey, baby, you know, it was all right. Yourself to him. cruelly you kissed me. Your lips a magic world, your sky all hung with jewels. The killing moon will come too soon. Fate up against your will, through the thick and thin, he will wait until you give yourself to him. Poincaré venait de lancer sa mode, sa vareuse, une coupe vraiment très spéciale. Je fus servi. Le complet, je l'ai là, toujours inusable, la preuve, il a tenu à travers l'Allemagne, l'Allemagne 44, sous les bombardements. Et quelle ! Et à travers les 4 années, de ces bouillabaisse de bonshommes, incendies, tanks, bombes. De ces myriades tonnes de décombres. Bon, il a un peu décoloré, c'est tout. Et puis ensuite, toutes les prisons et les 5 années de Baltique. Ah, et puis d'abord, j'oubliais, toute la sauvette Baison-La Rochelle et le naufrage de Gibraltar, je l'avais déjà. Il se vante maintenant de complets nylons, d'ensembles grévins, de kimonos atomiques. Je demande à voir. Le mien est là, élimé certes, entendu à la trame. 14 années d'Avatar, nous aussi, on est à la trame. Dripping.

Il n'est pas dans mes habitudes de rechercher le pittoresque, de m'habiller pour tirer l'œil. Genre peintre, Van Dyck, Rembrandt, Vlaminck, non. Bien inaperçu, bien quelconque, puisque je suis médecin. Blouse blanche, simili ninon, très correct. Chez moi donc, je suis très convenable. C'est dehors que ça va moins bien avec mon complet Poincaré. Je pourrais me payer un complet neuf, certes, en pressurant encore plus. Surtout, j'hésite. Je suis tout à fait comme ma mère, économe, économie, mais tout de même certaines faiblesses. Ma mère est morte par syncope du cœur sur un banc, et de faim aussi, de se priver, j'y étais en prison à la Fersterfangsel, Danemark. J'y étais pas là quand elle est morte, j'y étais au condamné à mort, pavillon K. J'y ai tiré 18 mois. Il n'est pire sourd que ceux qui ne veulent pas entendre, ayez pas peur de ressasser. Céline, d'un château à l'autre. Hey! Been trying to meet you. Hey, must be a devil between us, or whores in my head, whores at the door, whore in my bed. But hey, where? don't know just where I'm going. But I'm gonna try for the kingdom if I can, 'cause it makes me feel like I'm a man when I put a spike into my vein and I tell you things aren't quite the same when I'm rushing on my run and I feel just like Jesus' son. And I guess that I just don't know. And I guess that I just don't know. To flow. I really don't care. Le soleil est rare et le bonheur aussi. L'amour s'égare au long de la vie. Les murs d'enceinte du labyrinthe s'en trouvent sur l'infini. Serge Gainsbourg. from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling. But she never lost her head, even when she was given head. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo. Little Joe never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that fashion. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do. I was dancing when I was 12. I was dancing when I was out. I was dancing when I was out. I danced myself right out the womb. I danced myself right out the womb. Is it strange to dance so soon? I dance myself right out the womb. I was dancing when I was 8. I was dancing when I was 8. Is it strange to dance so late? Strange to dance and dance. Oh, oh, oh, oh. dance myself into the tomb. I dance myself into the tomb. Is it strange to dance so soon? I dance myself into the tomb. Is it wrong to understand? Was inside a man. What's it like to be alone? I like a need to a balloon. Myself out of the womb. Is it strange to dance so soon? I dance myself into the tomb, and then again once more. I dance myself out of the womb. I dance myself out of the womb. Strange to dance so soon. I dance myself out of the womb. Bienvenue à Disneyland. C'était le rêve de Disney il y a une douzaine d'années, un projet lointain et irréel. Et aujourd'hui, plus de 60 millions de personnes sont venues de chaque État d'Amérique et de pratiquement tous les pays du monde. À Town Square, sur Main Street, nombreux sont ceux qui s'arrêtent devant la plaque commémorative qui incarne la chaleur et l'esprit d'amitié du royaume magique de Walt Disney. À tous ceux qui arrivent dans ce lieu de bonheur, bienvenue. Disneyland. Yeah. wiggle and stick and wild and bright. And we bite and scratch and scream all night. Let's go and throw all the songs we know into the sea. I know it. Et chaque point peut être soit un bouton, c'est-à-dire déclencher, arrêter un son ou un effet, ou bien être comme un bouton poussoir, c'est-à-dire monter un volume ou changer une panoramique, c'est-à-dire un droite et gauche dans le haut-parleur, ou monter un effet. Voilà, ça permet le geste. And my time was running wild, a million dead-end streets, and every time I thought I'd got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me, but I've never caught a glimpse of how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test. Changes. Turn and face the strain. Changes. Don't wanna be a richer man. Turn and face the strain. Changes. There's gonna have to be a different man. Time may change me. Size, but never leave the stream of warm and permanent sand. So the days float through my eyes, but still the days seem the same. And these children that you spit on as they try to change their worlds are immune to your consultations. They're quite aware of what they're going through. Changes. Turn and face the strain. Changes. Don't tell them to blow up on out of it. Changes. Turn and face the strain. Changes. Where's your shame? You've left us up to her next to me. Time may change me, but you can't twist time. Strange fascination. Changes. Turn and face the strain. Changes. Martin's College, that's where I